un verre. J'ai mis une table de mixage sur ma carte son. ton téléphone à ce moment. take my hand, wave your eye. And when she entered, I'm away. We'll be right back. internet, j'y déconne complètement. J'aurais dû t'écouter, et comme d'habitude. Juste à brancher un fil, mon petit fil. Un jour peut-être, je t'écouterai. Il est où Manu? Manu est demandé dans le studio. Manu, reviens, t'es au chiot ou quoi? Il est parti? Where is Manu? Where is Manu, Mr. Saxophone? Il y a du souffle, hein. Il y a du vent, il y a du vent sur la montagne. Bonne nuit, monsieur. Je crois qu'il est américain. Ok. Bon, moi, des fois, ça décroche, je suis désolé. Parfois, ça décroche, c'est Internet. Le métronome à fond pour moi. Putain, la connexion, saloperie de connexion d'internet. Ah, c'est vrai? We'll be right back. Sans accoup. We'll be right back. Impossible. I must find a solution. It's not possible. I'm sorry.